Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Elle les rend fous. Fous de désir ou de jalousie. Et lorsque l'on dit fou, ce n'est pas un vain mot. Claude Frollo. Il est chez lui, à Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris qui est un asile inviolable. Mais qui est réellement chez lui, à Notre-Dame de Paris ? Quasimodo. Notre-Dame de Paris est son fief, son majorat, pour citer Michelet. Mais pour l'instant, ce n'est pas Quasimodo qui divague, mais bien l'archidiacre Claude Frollo. Interprété par Michel Bouquet dans le feuilleton que proposait la chaîne parisienne en 1957, et dont voici les 39e, 40e, 41e, 42e et 43e épisodes. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Monsieur l'archidiacre. Vite ! Enlevez-moi cet accoutrement. Cet accoutrement ? Mais, monsieur l'archidiacre, votre chatte... Faites ce que je vous dis. Allons, plus vite. Je vais vous aider. Oh, votre étole brodée d'or, vous allez l'arracher. Oh, et l'aube, monseigneur, ne les laissez-moi faire. Il suffit. Ramassez-moi tout ça, je suis pressé, vous dis-je. Voilà, voilà. C'est bon, adieu. Monsieur l'archidiacre. Que voulez-vous encore ? Si l'on vous demande, puis-je savoir où vous êtes ? Vous répondrez que je suis allé prendre l'air. Prendre l'air ! Vous voilà rendu, messire. Vous êtes sur la rive gauche. En sortant par la porte Saint-Victor, vous serez tout de suite dans la campagne. C'est un beau temps pour se promener, hein. Très beau, oui. Dois-je revenir vous chercher avant la tombée du jour ? Pour faire l'aller-retour, je prends 3 selles par Isis. Merci. Je ne sais pas quand je rentrerai. Comme vous voudrez. Si j'ai pas de clients, j'irai à la grève. On n'est pas une sorcière d'Égypte. Peut-être que la fille est belle. Imbécile. Cours. Vas-y. Vole vers le lieu du supplice. Imbécile. Toi aussi, tu as le droit de voir son corps presque nu, comme je l'ai vu tout à l'heure. Toi aussi, tu vas promener tes yeux sur ce lys vierge. Va. Va voir la femme que j'aime, en chemise, livrée au peuple, en plein midi. Vêtu comme pour une nuit de noces. Imbécile. Tout ce mystère de l'amour, profané, souillé, dénudé, flétri à jamais. Ce corps de femme que je souhaitais entrevoir dans l'ombre, comme un bonheur suprême, cette coupe de pudeur, que je n'aurais su approcher de mes lèvres qu'en tremblant. Les voilà transformés en gabelles publiques. Et toute la populace de Paris, les voleurs, les mendiants, les laquais, tous viennent y boire en commun un plaisir effronté, impur et dépravé. Et les oiseaux chantent. Comme la nature est belle. Il y a des fleurs plein les prés et des ruisseaux qui courent. Des rires heureux et des mains qui se joignent dans la ferveur de l'amour. Partout, en cet instant, des regards s'échangent, des promesses s'accordent. À quoi tient le désir de vivre, tout simplement, de vivre comme on respire, le cœur envahi de tendresse? Il suffisait pour moi d'un sourire. Je crois que j'aurais pu renaître de ton sourire, Esmeralda. Tu pouvais libérer toute cette douceur que je sens battre en moi et se fondre à ma chair jusqu'à me laisser faible comme un enfant. Mais toi qui n'es qu'offrande, tu m'as tout refusé. Toi qui es légèreté, tu m'as cloué au sol. Et c'est assez de me voir pour que ton visage blêmisse d'horreur. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas un homme quelconque et toi une femme comme les autres? Un prêtre et une bohémienne, ce n'est pas un couple. C'est un accouplement. Un accouplement. Et je fais peur aux poules, aux canards et aux oies. Et depuis si longtemps, je me fais peur à moi-même. Folie des vœux éternels, vanité de la science, mensonge de la religion, stupidité de la vertu, inutilité de Dieu. Qu'ai-je à faire de tous ces faux-semblants? Il n'y a de vrai que la nature, elle triomphe toujours. Quand je vois quelle large place elle a préparée en moi pour accueillir les passions, j'ai le droit de tout renier les enseignements reçus et d'en rire. Je suis haine et méchanceté, parce que l'amour n'est pas pour les prêtres. L'homme qui aime s'approche de Dieu. Le prêtre en proie à l'amour se fait démon. Hypocrisie de la chasteté volontaire qui mortifie la chair et donne à l'imagination une fièvre douteuse. J'aurais pu aimer de façon saine et naturelle, mais non, j'aime d'un amour corrosif, venimeux, implacable. Je suis damné, damné! Oh, ce rire qui me poursuit maintenant comme un châtiment. Il n'est plus une seule de mes pensées qui éveille ce roi infernal. Tout est dérision. J'aime Esmeralda et je n'ai réussi qu'à la faire mourir. Esmeralda aime Phébus. Et Phébus se moque d'elle. Ce bénâtre avantageux que j'ai voulu supprimer de mes mains, il vit. Il éclate de santé. Il parade dans ses uniformes rutilants. Il mène sa nouvelle amante, voire pendre l'ancienne. Il marche dans la vie comme un ruffian. Et ce bruit de bottes séduit les filles plus sûrement que les prières du cœur. Ce soudard stupide et vaniteux, vous l'avez protégé, mon Dieu. Vous lui avez donné la beauté, l'inconscience et la force. Il n'est pour lui que de paraître. Tout est gagné d'avance. Et vous croyez qu'il n'y a pas de quoi rire? Phébus est vivant, Esmeralda est morte. Morte! En ce moment, peut-être, le bourreau lui passe la corde autour du cou et il tire. Non! Non, ce n'est pas possible, je n'ai pas fait cela. J'ai l'impression que c'est moi qui t'étrangle, Esmeralda, mais je t'aime, je veux te voir heureuse, je veux t'entendre rire et chanter. Non! Non! Arrêtez! Pas la potence! Pas la corde! Toi que j'ai vu danser dans un rayon de soleil comme une libellule, maintenant tu te balances à un gibet. Toute raide, toute froide, non, non, Esmeralda, non. Attends-moi, je vais te sauver, je ne veux pas te savoir morte. Esmeralda, je ne veux pas t'avoir tuée. Esmeralda, aie pitié de moi. Esmeralda, je t'aime, je t'aime. Là. Là. Elle est à l'abri maintenant. Personne n'a le droit de venir la chercher. Personne. Oh, pauvre petite. Elle ne bouge pas plus qu'une morte. Voilà. Comme ça. Là. Voilà. Oh. Comme elle est belle. Esmeralda. Avec un peu d'eau, je vais la ranimer. Avec un peu d'eau. Toi. Toi qui m'as fait boire quand tout le monde me jetait des pierres. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Oh! Pourquoi suis-je ici? Ne me touchez pas! Je vous ai fait peur. Je suis bien laid, n'est-ce pas? Tournez la tête, ne me regardez pas. Oh, je me souviens maintenant. Vous m'avez emporté, Quasimodo. Emporté. Ils allaient me pendre. Mais où suis-je? Dites-moi, où suis-je? Et pourquoi m'avez-vous sauvé? Je n'entends pas ce que vous dites parce que je suis sourd. Mais je peux comprendre, rien qu'en vous regardant. Oh, n'ayez pas peur. Ici, personne n'a le droit de venir vous chercher. L'église est un lieu sacré, un lieu d'asile. Ils sont bien attrapés maintenant. Vous êtes sous la protection de Dieu. Et puis je suis là, moi aussi. Toute la foule était contente, vous savez. Elle battait des mains, elle criait avec moi. Asile! Asile! Ça devait faire beaucoup de bruit. J'ai couru partout. Je vous ai montré du haut de la galerie des rois et des tours de Notre-Dame. Pauvre homme. Cette même foule voulait me pendre. Et cette même foule riait à votre supplice. Oh, c'est affreux. Comme ils sont méchants. Tous. Oh. Vous pleurez. Il faut pas, puisque vous êtes sauvés. Écoutez-moi. Le jour, vous resterez ici. C'est ma chambre. Moi, j'irai dormir près des cloches. Et la nuit, vous pourrez vous promener partout dans l'église. Seulement, il faudra jamais, hein, jamais sortir de Notre-Dame, ni le jour, ni la nuit. Vous seriez reprise et pendue. Vous avez bien compris? Oui. Et s'il vous tue, moi je mourrai. Quasimodo. Ne pleurez plus. Je m'en vais à présent. Je m'en vais. Pardonnez-moi. Non, pauvre homme. Restez. Quasimodo, ne partez pas. Revenez. Mon Dieu, c'est vrai qu'il ne m'entend pas. Quasimodo! Quasimodo! Quasimodo! Oh! C'est vous! Vous avez couru après moi? Oui, Quasimodo. Ne partez pas. Laissez-moi m'en aller. Je ne suis pas à mon aise. Je sais bien que c'est par pitié que vous ne détournez pas votre regard. Il vaut mieux que je ne reste pas trop longtemps en face de vous. Tenez, quand vous aurez besoin de moi, Quand vous voudrez que je vienne, vous n'aurez qu'à siffler avec ceci. Gardez-le, c'est pour vous. Et ce bruit-là, je l'entends. Je l'entends. Monsieur l'archidiacre, vous voilà revenu, enfin. Eh bien oui, me voilà. Comme voulez-vous. Vous n'aviez pas besoin de m'attendre si tard. C'est que, monsieur l'archidiacre, il s'est passé une telle chose pendant votre absence. Excusez-moi si je vous importune, vous semblez très fatigué. Ce n'est rien. Allez au fait. La sorcière est dans Notre-Dame, messire, sauvée par Quasimodo. De quelle sorcière voulez-vous parler ? De celle qui est venue ce matin faire amende honorable devant l'église. La Esmeralda ? Je ne sais pas son nom, mais enfin, il n'y a pas à se tromper. Elle n'est pas morte ? Bien vivante, au contraire, et sous la protection du droit d'asile. Que dites-vous là ? Elle n'est pas morte. Mais alors, tout va recommencer. Oh, pour ça non, monsieur l'archidiacre. Elle a fait amende honorable une fois. Cela suffit. Taisez-vous donc. Ou plutôt non, parlez. Que vient faire mon fils adoptif dans tout ceci ? Quasimodo a proprement enlevé la bohémienne au nez et à la barbe des archers de la prévôté. Il est entré comme un forcené dans l'église en criant « Asile ! Asile !» Et puis il a grimpé par les tours, sans qu'on cherche à lui barrer le passage, vous pensez. Voulez-vous que j'aille vous le chercher, monsieur l'archidiacre ? Non, non, non ! Je ne veux plus voir personne, entendez-vous ? Personne ! J'ai besoin de repos, de silence et de méditation. La vie, ces secousses et ces tortures, ces alternatives me font horreur. Comme je vous comprends, monsieur l'archidiacre. Je n'ai pas besoin de votre compréhension. Écoutez-moi bien. Je vais de ce pas m'enfermer dans une cellule du cloître. Qu'on ne m'y dérange, sous aucun prétexte. J'y resterai, muré, plusieurs semaines, s'il le faut. On ne me verra ni aux offices, ni aux conférences capitulaires. Ma porte restera condamnée à tous, même à l'évêque. Et si l'on me demande pourquoi, dites que je suis malade. Adieu. Malade? Je le crois volontiers, monsieur l'archidiacre. Ma petite bête, ma chèvre, c'est toi. Oh, comment est-ce possible, ma Djali? Oh, quelle joie, je ne serai plus seule. Et moi qui croyais ne plus jamais te revoir. J'ai pu la trouver et l'emporter, Esmeralda. Je l'ai sauvée comme vous. J'étais sûre que vous seriez contente. Oh, merci, Quasimodo. De m'avoir amené, Djali. Demain, je vous apporterai un tambourin pour danser. Oh. Une chèvre et un sourd, plus laid que l'enfer. Voilà mes seuls amis. Et l'un me fait si peur que je voudrais mourir plutôt que de l'approcher. Jamais je ne pourrai m'habituer à sa vue. Pourtant, il est si bon, pauvre Quasimodo. Je lui dois de vivre. Et maintenant que mon Phébus est là, je veux vivre. Il faut que mon beau capitaine me pardonne cette nuit affreuse. Il faut qu'il sache que ce n'est pas moi qui ai voulu le tuer. Bien sûr, j'ai avoué. Je n'ai pas su résister à la torture, lâche que j'étais. Oh, j'aurais dû me laisser arracher les ongles et brûler les chairs. Tout valait mieux que d'avouer un crime dont je suis innocente. Si Phébus me croit coupable, il a raison. C'est ma faute. Mais que je le revoie une seule fois, une seule minute, et je pourrai lui crier la vérité. Alors il me prendra dans ses bras. Et nous serons heureux. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. Inconsciente Esmeralda, pure et simple comme l'enfant qui croit à son rêve, incapable d'aller au-delà de son amour, cœur de cristal, colombe poignardée, source limpide. L'amour est pareil à l'eau vive que l'on ne peut garder captive. À travers toi coulera en larmes un jour s'en ira. À travers toi coulera en larmes un jour s'en ira. Et tout près de l'ange, la bête rêvait aussi, appuyant sa tête difforme contre les gargouilles, plus monstrueuse encore d'être pétrie dans la chair et le sang. Hélas, que ne suis-je de pierre comme toi? Avec ses ciseaux et son marteau, le sculpteur t'a fait horrible. Mais tu t'en moques d'avoir la face tordue et les oreilles pointues du démon. Tu t'en moques de tes yeux crevés et de ta bouche faite pour avaler les crapauds. Tu es en pierre, en pierre. Si je cogne sur toi, c'est à moi que je fais mal. Gargouille du diable. Tu n'as pas de cœur, pas de cervelle. Tandis que moi, je souffre. Tu vois, mon malheur, c'est que je ressemble encore trop à l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête. Comme sa chèvre, tiens, comme sa petite chèvre. Elle la caresse. Elle l'embrasse, elle frotte son beau visage contre son museau, et la chèvre fait bé, bé, oh, comme j'aimerais pouvoir faire bé, bé, et me rouler aux pieds d'Esmeralda. Non, non, je sais bien que jamais je ne pourrai la toucher. Mais à force de l'aimer, de la soigner, de la servir, peut-être qu'un jour, elle pourra me regarder sans cette grimace de dégoût qui me tord les entrailles. J'en demande pas plus. Et alors, comme je serai heureux, heureux. L'amour est pareil aux chimères, te prennent sur leurs ailes légères. Crois partir vers le bonheur, en chemin te crève le cœur. Crois partir vers le bonheur, en chemin te crève le cœur. Il y avait l'ange, il y avait le monstre, il y avait l'homme aussi, quelque part dans Notre-Dame, et celui-là seul était d'une lucidité effrayante. Quand je l'ai crue morte, je la voulais vivante. Et maintenant qu'elle vit, je voudrais la voir morte. Je ne supporte pas qu'elle soit là, tout près, avec ce corps doux et tiède qui m'est toujours refusé. Mon sang glacé ne coule pas dans mes veines durcies. Mon cerveau ne connaît qu'un nom, et ce nom cogne, cogne, cogne. Le temps lui-même ne passe plus. Les heures se sont accumulées, et leur poids, maintenant, écrase mon cœur. Voilà où m'a mené cet amour insensé. qui ne me donne le choix qu'entre deux façons de mourir. Avec ou sans elle. Parce que jamais je ne permettrai qu'on te touche. Esmeralda, tu seras à moi. À moi ou à personne. Et j'en fais le serment. L'amour est pareil à la braise. Vire le vent, devient fournaise. L'or les plus doux des serments seront comme charbons ardents. L'or les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Et tout cela, l'amour, l'espoir, les larmes et les serments, tout cela s'offrait en vain, allant inutilement de l'un à l'autre et frappant au hasard. Amour perdu, amour blessé, amour impossible, amour. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta apporter des colombes, Esmeralda, pour te distraire. Tu as l'air si triste. Regarde-les. Elles sont blanches et pures, comme toi. Tous les jours, Quasimodo, tu m'apportes quelque chose de nouveau. D'abord, Djali. Ensuite, un tambourin. Maintenant, des oiseaux. Petit, petit. Pauvre colombe. Elles sont en cage, elles aussi. Oh, tu soupires. Je n'ai pas su te faire plaisir. Je le vois bien à ton visage. Même si je n'entends pas tes paroles, je sens tout ce qui se passe en toi. Tu ne veux pas de ces colombes parce qu'elles sont en cage, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui. Tu as raison. Personne n'est heureux dans une prison. Surtout pas les oiseaux. Nous allons leur rendre la liberté, tu veux? Oh oui. Si elles reviennent, c'est qu'elles le voudront bien. Ouvre la cage toi-même, Esmeralda. Elles volent. Oh, comme elles ont de la chance, Quasimodo. Oh, les voilà là-bas, perchées sur une statue. Et maintenant, elles disparaissent dans les tours. Non, les voilà. Elles reviennent. Tu vois, Esmeralda, elles reviennent. Je savais bien qu'elles ne voudraient pas te quitter. Oh, je laisserai la porte de leur cage toujours ouverte. De cette façon, elles feront ce qu'elles voudront. Tout à l'heure, en le regardant voler, je me suis crue libre. Libre. Non, ne pleure pas. Peut-être qu'un jour je trouverai le moyen de te conduire ailleurs. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ne pleure plus, Esmeralda, je t'en supplie. Tu verras, tu pourras sortir, je te le promets. Merci, Quasimodo. J'ai confiance en toi. En attendant, veux-tu que je te fasse visiter Notre-Dame? C'est beau, tu sais. Elle est toute pleine de statues. Regarde, Sainte Blandine, là. Hein? Tu vois le joli sourire qu'elle a pour m'accueillir. C'est vrai. Et puis, il y a aussi les cloches. Des grosses filles qu'il faut saisir à plein bras. Celles-là, je les aime. Je les caresse. Elles me comprennent. Viens, Esmeralda, viens les voir. Non, Quasimodo. Tu me fais peur. Oh, Je vois que tu as peur. Pourquoi? Si tu savais, depuis le carillon de l'aiguille jusqu'à la grosse cloche du portail, je les ai toutes en grande tendresse. Pourtant, ce sont les cloches qui m'ont rendu sourd. Mais je ne leur en veux pas. Maintenant, je n'entends plus que leur voix. Et c'est peut-être ça qu'elles ont voulu. M'avoir bien à elles, comme je les ai bien à moi. Viens, viens, Esmeralda. Tu dois les connaître. Allons. Allons. Je te suis, quasi. Ah. Viens, viens. Tiens, regarde, Esmeralda. Il y a 15 cloches dans mon sérail. D'abord, celles-ci, les moyennes, groupées par 6. Écoute. Esther! Marthe! Geneviève! Apolline! Clarisse! Yolande! Elles chantent bien, n'est-ce pas? On dit qu'elles ont une âme. Et c'est vrai. C'est vrai. De ce côté-ci du clocher, sur la croisée, j'en ai 6 autres. Des petites. Félicité! Gervaise! Bertie! Rachel! Agathe! Mathilde! Ça fait 12, Esmeralda! 12 coquines délurées et qui ne demandent qu'à danser! Celle-ci, c'est la 13e. Tu ne l'entendras pas, parce que je n'ai pas le droit de la faire vivre en ce moment. Elle est en bois, et je la sonne que depuis l'après-dîner du jeudi absolu jusqu'au matin de la veille de Pâques. Maintenant, viens voir les 2 dernières, Esmeralda. Les plus grosses, Jacqueline et puis Marie. Elles habitent dans la tour méridionale. Ce sont mes préférées. Surtout Marie. Elle a une force. Quand elle commence à s'émouvoir, on dirait que toute la charpente va éclater. Les voilà. Jacqueline et Marie. Oh, est-ce possible? Je n'imaginais pas cela. Oh, je vois ton étonnement, Esmeralda. Mais ce n'est rien quand elles sont immobiles. Tiens, tu vas t'installer là, dans ce coin, pour être à l'abri de leur souffle. Et maintenant, écoute. Écoute! Je vais commencer avec Jacqueline. Vas-y, ma belle! Vas-y, ma grande! Ne te fatigue pas tout de suite, ma Jacqueline! Te voilà qui prend ton élan! Lance-toi, ma fille! Là! Là! Les jours se succédaient. Le calme revenait peu à peu dans l'âme d'Esmeralda. Chaque soleil levant la trouvait plus apaisée. Elle attendait, elle espérait. L'église qui l'avait accueilli l'enveloppait de toutes parts. Le chant monotone des officiants, le bruit lent des prières, l'orgue éclatant comme sans trompette, le bourdonnement des trois clochers, tout cela s'irriguait en elle, comme respirait la cathédrale. Par tous les pores de cette pierre que la foi des hommes avait rendue vivante. Un matin, cependant, Esmeralda s'était avancée jusqu'au bord du toit, et de là, elle vit Phébus à cheval, caracolant sous les fenêtres du logis des Trois Piliers. Mais tu vas tomber! Prends garde, allons! Phébus! Phébus! Pourquoi pleures-tu? Je vois que tu cries de toutes tes forces. Pourquoi? Tu appelles quelqu'un? Dis-moi! Montre-moi! Là-bas, c'est lui! C'est mon beau capitaine! Phébus! Hélas, il ne m'entend pas! Le voilà qui descend de cheval et qui salue une belle dame blonde au balcon des Trois Piliers! Oh, je comprends. Tu l'aimes. Tu l'aimes parce qu'il est beau. Mais tu es malheureuse. Tu souffres, Esmeralda. Et moi, je souffre avec toi. Écoute. Calme-toi. Veux-tu que j'aille te le chercher? Oh oui. Oh oui. Va me le chercher. Cours. Ramène-le-moi. Vas-y, je t'en supplie, Quasimodo. Si tu fais cela, je crois que je pourrais t'aimer. Que je pourrais embrasser tes genoux. J'y cours, Esmeralda. Mais ne pleure plus. Ne pleure plus. Longtemps, Quasimodo attendit que le capitaine Phébus de Châteaupers sortît du logis des Trois Piliers. La journée passa, puis une partie de la nuit. Quasimodo attendit toujours, crevant de rage et de désespoir, de jalousie et d'amour. Il savait bien que jamais il ne pourrait approcher d'Esmeralda sans la faire comme toutes les femmes reculées d'horreur. Pourtant, la douleur qu'elle avait étalée lui était aussi intolérable que la sienne propre. Bientôt, l'obscurité totale se fit, et le pauvre monstre ne vit plus se découper dans le ciel la silhouette d'Esmeralda, debout sur le toit de Notre-Dame, sentinelle figée par l'espoir. De longs nuages noirs comme des voiles déchirés tombaient du cintre étoilé de la nuit. Quasimodo était plein de pensées tristes. Pourtant, vers 1 heure du matin, il se fit une grande animation à la porte des dames gondeloriées. Reposez-vous, dame Aloïse, il se fait là. Oh, Seigneur Dieu, quelle nuit noire. Donnez-moi votre main, ma amie, je vais vous aider. Au revoir, fleur de lys. Adieu, les amis, adieu. Adieu. Adieu, Phébus. Non, mon cœur, pas tout de suite. Je ne m'en irai pas sans un baiser. Je ne vous aurais point laissé partir sans vous le donner. Ah, fleur de lys, qu'il me tarde que nous soyons mariés. Laissez-moi encore vous embrasser. Oh non, non. Comment non, mais si. Oh, oh Phébus. Ah, mamie. Ah, mamie, les jeunes filles ont bien de l'esprit. Vraiment, mon cœur, je ne sais où vous placez l'esprit. Mais là où il faut, fleur de lys, là où il faut. Je n'avais point de goût pour les pucelles. Mais j'ignorais qu'elle fût à la fois si timide et si prompte à s'émouvoir. Je n'aime pas beaucoup ce pluriel, mon aimé. Non, c'est un pluriel que vous employez à rendre si agréablement singulier. Permets-moi d'embrasser ta gorge. Dans cette nuit d'encre, je te devine seulement. Je sens le poids de ton corps. L'odeur des fleurs que tu as tressées avec tes cheveux. Oh. Ah, mamie, mamie. Oh, tu me grises. Oh, que de promesses. Sauras-tu les tenir? Phébus, voyons. Laissez-moi. Ne, Nous sommes dans la rue. Que craignez-vous ? Oh, je ne sais, mais... Une voix, une ombre, une lumière tout à coup. Mais plus encore, votre pouvoir, Phébus, vous m'en persuaderiez trop vite. Oh, mais justement, Fleur de Lys, justement, non, il faut que... Non, laissez à ma pudeur se soucier d'elle-même. Adieu, mon ange. Fleur à de demain. Lys. Oui, bientôt, je serai tout à vous. Oui. Bonne nuit, Phébus. Je vous aime. Ah, oh, adieu donc. Adieu. Ouais, forchons notre jument. Allons, Gilda, ma belle. Il y a longtemps que tu m'attends, hein. Oh, belle Gilda. Allons, rentrons au bercail. Hé, le capitaine. Comme veut ce maraud. Oh, qui m'appelle? Calme-toi, Gilda. Oh là, oh là. Suivez-moi, capitaine. Il y a près d'ici quelqu'un qui veut vous parler. Cornetonnerre, qui se permet de tenir la bride de mon cheval. Oh, je ne vois rien. Capitaine, ne partez pas. Il s'agit de l'égyptienne. Vous savez bien, la Esmeralda. Hein. Marot, mais qui es-tu pour me parler de la sorte? Fais voir, fais-toi voir. Montre-moi ta face. Semble Quasimodo. Ah, vous me reconnaissez? Eh oui, je suis le sonneur de cloche de Notre-Dame. Venez, messire capitaine. Elle ne peut pas sortir de la cathédrale, vous le savez bien. Mais vous pouvez venir, vous. Jamais! N'es-tu point fou? Revoir cette fille, cette sorcière, dont les maléfices ont failli me tuer? Ah non, alors. Une fois déjà, elle m'a fait aborder la nuit par un prêtre diabolique. Mais ce soir, voilà un monstre échappé de l'enfer. Beau messager, en vérité. Je me moque de ton Esmeralda, mais je n'ai pas la moindre envie de la revoir. Et puisque tu es sourd, au moins cela, tu le comprendras. Allons, dis-le ! Allez, la vie ! Avec mes deux poings, j'aurais pu broyer ton visage, imbécile, tu le mérites. Mais elle t'aime. Et je saurais bien t'amener à elle avec toute ta beauté intacte. Esmeralda. Est-ce possible? Avoir la chance d'être aimé de toi et refuser cet amour. Refuser. Refuser. Est-ce possible? Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Denberg. Avec aujourd'hui Fleur de Lys, Madeleine Auzeray. Bruitage, Joël Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 39e, 40e, 41e, 42e et 43e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 31 mai, 1er, 3, 4 et 5 juin 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».